puis mes bazar. J'entends des bails atroces au moins. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, demander t'y fait. Tu croyais quoi, qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre. En cas, t'en as, baby, tu guettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre. En cas, t'en as, baby, tu guettes ça. Ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya yeah, air. Yeah, yeah. Crache encore, ya yeah, air. Yeah, yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Comment tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches les problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu déconnes, c'est pas comme ça. Pas ta cata, dja dja, genre. En katana, baby, tu get ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre. En katana, baby, tu get ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen.